الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers frères et sœurs, nous en sommes aujourd'hui à la septième ambiguïté mentionnée par le Cheikh Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala dans son célèbre livre « Kashf al-Shubuhat » dans lequel il a recensé plus d'une dizaine d'ambiguïtés des adeptes du polythéisme, puis il les a réfutées. Et la septième ambiguïté, qui est la première que l'on va voir aujourd'hui, est qu'il considère que le fait d'avoir recours aux vertueux n'est pas du shirk, n'est pas du polythéisme. Donc le Cheikh, rahimahullah ta'ala, continue toujours la réfutation de ces ambiguïtés sous forme d'un dialogue. Et il dit « fa'in qal », donc si le polythéiste te dit « Ana la ushriku billahi shay'a »« Je n'associe rien à Allah »« Hasha wa kalla » En aucun cas, il renie donner des associés à Allah. « Walakin al-iltija'a ila s-salihin laysa bi-shirk » Mais avoir recours aux vertueux, se diriger vers les vertueux par différentes formes d'adoration, n'est pas du polythéisme, c'est-à-dire selon la prétention des polythéistes. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, à titre de réponse à cette ambiguïté, « فَقُلْ لَهُ » Dis-lui alors, « إِذَا كُنْتَ تُقِرْ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الشِّرْكِ أَعْظَمَ مِنْ تَحْرِيمِ الزِّنَا » Si tu reconnais qu'Allah a interdit le shirk, le polythéisme, de lui donner des associés dans l'adoration, bien plus que l'interdiction de la fornication, car le shirk est le plus grave des péchés. « وَتُقِرُّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُهُ » Et si tu reconnais qu'Allah ne pardonne pas ce péché. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. C'est-à-dire que celui qui meurt sur le shirk sans s'en repentir, il sera voué à l'enfer pour y demeurer éternellement. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc tu t'adresses au polythéiste et lui mentionnes ces choses qui, en principe, il reconnaît, car il connaît ces versets. Puis tu lui dis, « فَمَا هَذَا الْأَمْرَ أَلَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُهُ » Demande-lui alors, quelle est cette chose qu'Allah a interdite et au sujet de laquelle il a mentionné qu'il ne la pardonnerait pas. Interroge-le au sujet de la réalité du shirk. Interroge-le afin de savoir s'il sait réellement ce qu'est le shirk. Car il dit qu'il ne commet pas de shirk. Mais sait-il ce qu'est le shirk pour pouvoir s'innocenter de cela? Et le shaykh, rahimahullah ta'ala, de nous dire, « فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي » Mais en réalité, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'est le shirk et il ne sait pas ce qu'est le tawhid. Et c'est pour cela qu'il est tombé dans le polythéisme. « فَقُلْ لَهُ كَيْفَ تُبَرِّهُ نَفْسَكَ مِنَ الشِّرْكِ وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ » Comment peux-tu t'innocenter du shirk, prétendre que tu ne fais pas de shirk, alors que tu ne le connais pas, tu ne sais pas ce qu'est le shirk? Comment peux-tu affirmer que tu fais une chose que tu ne la fais pas, alors que tu n'as pas de science à ce sujet, que tu n'as pas conscience de la réalité de cette chose? Celui qui ne sait pas ce qu'est le shirk, comment peut-il prétendre ne pas faire de shirk? Celui qui ne sait pas ce qu'est la mécréance, comment peut-il prétendre être à l'abri de la mécréance? Et ainsi de suite. Celui qui ne sait pas ce qu'Allah a interdit, comment peut-il s'en mettre à l'abri et encore plus, comment peut-il s'en innocenter, alors qu'il ne sait pas la réalité de ces choses? Donc ceci nous montre une fois de plus l'importance de l'apprentissage de la science religieuse et plus particulièrement l'apprentissage de la croyance, l'apprentissage du tawhid afin de le mettre en pratique et l'apprentissage du shirk afin de pouvoir s'en écarter et s'en mettre à l'abri. Ensuite le shaykh rahimahullah ta'ala continue et il dit « كَيْفَ يُحَرِّمُ اللَّهُ عَلَيْكَ هَذَا وَيَذْكُرُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُهُ وَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ وَلَا تَعْرِفُهُ » Le shaykh nous dit une question à poser à ce polythéiste, à celui qui essaye de justifier l'adoration des vertueux, des tombes et des mausolées, et de lui dire « Comment peux-tu avoir conscience qu'Allah t'a interdit cela ?» Tu sais qu'Allah t'a interdit le shirk, et qu'il a mentionné qu'il ne le pardonnait pas. Tu sais qu'Allah ne pardonne pas le shirk. Et toi, tu n'interroges pas à ce sujet, tu ne le connais pas. Et ceci nous montre la gravité de la situation de ces personnes, qui est la situation de nombre de personnes qui s'affilient à l'islam aujourd'hui. Ils savent que le shirk est interdit. Si tu lui demandes quel est le plus grave des péchés, il te dira le plus grave des péchés, c'est le shirk. Qu'est-ce que le shirk? Il ne sait pas. Et ceci démontre un manque de considération pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit ce péché qui est le plus grave des péchés, alors il t'incombe de t'instruire au sujet de ce péché afin de pouvoir t'en préserver. Mais ceux-là sont insouciants et ils se détournent de l'apprentissage et de la connaissance de la religion. Ensuite le shaykh rahimahullah ta'ala dit à la suite de cela, « Atadhunnu anna Allah yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana » Penses-tu qu'Allah nous l'interdit et ne nous l'explique pas? Penses-tu qu'Allah a interdit une chose d'une telle gravité puis ne nous a pas expliqué quelle est cette chose? Et le shaykh rahimahullah ta'ala veut par là lui dire que la réalité du shirk est connue d'après les textes du Coran et de la Sunna. On doit se référer aux textes du Coran et de la Sunna pour savoir qu'est-ce que le shirk. Car Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'il nous a interdit ce grave péché et qu'il nous a averti contre la gravité et le danger de ce péché, il nous l'a exposé afin qu'on puisse s'en préserver et s'en mettre à l'abri. Et comment n'en serait-il pas ainsi alors que notre religion est une religion complète, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé et complété? Donc le shaykh rahimahullah ta'ala s'est contenté ici de cette simple réponse. Pour celui qui prétend qu'avoir recours aux vertueux en leur vouant certaines formes d'adoration et en les prenant pour intermédiaires entre soi et Allah n'est pas du shirk, il suffit de demander à cette personne quel est le shirk. Et on se rendra rapidement compte que, bien souvent, ils ne savent pas ce qu'est le shirk et c'est pour cela qu'ils le commettent sans même s'en rendre compte. Wal'iyadu billah. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a mentionné une huitième ambiguïté. Et il a dit « Fa'in qal, al-shirku ibadatul asnam, wa nahnu la na'budul asnam. » Et s'il te dit après cela « Oui, d'accord, j'ai compris que le shirk revient à faire ceci et cela. » Mais le shirk, c'est d'adorer les statues. Et nous, nous n'adorons pas les statues. Donc on retrouve ici une parole proche de ce que le shaykh rahimahullah ta'ala a dit lors de la mention de la deuxième ambiguïté. Et le shaykh rahimahullah ta'ala répète ici cette chose qui est proche de la parole précédente. Et ce car, bien souvent les gens du faux, lorsque l'on débat avec eux et que l'on essaie de les ramener à la vérité, une fois qu'ils n'ont plus de réponse à une chose que tu vas leur mentionner, il se peut qu'ils tournent en rond et répètent une autre ambiguïté avec d'autres mots. Donc dans la deuxième ambiguïté, qu'est-ce qu'il disait? Dans la deuxième ambiguïté, il disait « L'adoration d'autre qu'Allah est restreinte à l'adoration des statues. » Et ici, il nous dit « Le shirk, c'est seulement l'adoration des statues. » Donc on voit qu'en réalité, c'est la même chose, mais dit sous une autre forme. Et c'est ainsi qu'ils agissent, afin de tenter de perturber celui qui essaie de les conseiller et de les appeler à la vérité. Donc le shaykh, rahimahullah ta'ala, il te dit, et s'il revient et te dit, le shirk c'est d'adorer les statues, mais nous, nous n'adorons pas les statues. فَقُلْ لَهُ مَا مَعْنَا عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ. Dis-lui alors, et que signifie adorer les statues? Étant donné que tu dis que le shirk c'est seulement adorer les statues, par quoi cela se traduit? Comment ces statues sont adorées? Quels sont les actes qui sont faits pour ces statues? Et à travers cela, on va voir qu'il ne connaît pas la réalité du shirk. Et le shaykh de dire, rahimahullah, « Atadhunnu annahum yataqiduna anna tilka al-akhshab wal-ahjar takhluqu wa tarzuq wa tudabbir amra man da'aha » Penses-tu qu'ils croyaient, c'est-à-dire ceux qui adoraient les statues, que ces bouts de bois et ces pierres avait la capacité de créer, de donner la subsistance ou d'administrer les affaires de ceux qui les invoquent? فَهَذَا يُكَذِّبُهُ الْقُرْآنِ. Ceci est démenti par le Coran. Le Coran nous démontre très clairement, comme on l'a vu dans les cours précédents, que les premiers polythéistes n'avaient pas cela comme croyance au sujet de leurs idoles. Et ils savaient que seul Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui crée, qui donne la subsistance, qui administre tout dans cet univers. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَإِنْ قَالَ هُوَ مَنْ قصد خشبة أو حجرا أو أبنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته. Et s'il te dit, décrivant qu'est-ce que l'adoration des statues, cela consiste à ce qu'une personne se dirige vers du bois ou des pierres ou des constructions sur une tombe ou autre, qu'ils invoquent ou à quoi ils vouent des sacrifices, tout en disant que cela les rapproche davantage d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve ainsi par la bénédiction de cette statue et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde ce qu'ils demandent par la bénédiction de cette statue. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala ici, il a voulu clarifier la réalité de l'adoration des statues en la faisant prononcer par le polythéiste qui adore autre qu'Allah. Il nous dit que s'il reconnaît cela et qu'il donne cette réelle définition de l'adoration des statues, faqul sadaqt. Dis-lui alors, tu as dit vrai. C'est bien cela l'adoration des statues. Mais tu lui dis en plus, وَهَذَا هُوَ فِعْلُكُمْ عِنْدَ الْأَحْجَارِ وَالْأَبْنِيَةِ الَّتِي عَلَى الْقُبُورِ وَغَيْرِهَا. Et tels sont vos agissements auprès des pierres, des constructions sur les tombes et autres que cela. Tel est le shirk qu'ils commettent. Cela correspond exactement à ce que les polythéistes de notre époque font auprès des tombes et des mausolées. Donc le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous dit, فَهَذَا أَقَرَّ أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. Il dit en disant cela, il a alors reconnu que leur agissement correspond à l'adoration des statues et c'est cela qui est recherché. Et ici il y a un bénéfice très important dans la parole du Cheikh. Lorsqu'il dit et c'est cela qui est recherché, c'est cela qui est attendu. C'est que l'objectif lorsque on va débattre avec quelqu'un pour essayer de le convaincre qu'il est sur le faux, l'objectif est de le guider à la vérité. L'objectif est de le convaincre qu'il est sur le faux et de convaincre d'accepter la vérité. L'objectif, ce n'est pas d'avoir le dessus sur lui ou d'être le plus éloquent ou d'être celui qui a raison ou je ne sais quoi, non. L'objectif est que cette personne reconnaisse la vérité. C'est cela qui est attendu. Que le partisan du faux, que ce soit le polythéisme, la mécréance, l'innovation ou autre parmi les formes d'égarement, qu'il reconnaisse la vérité et que soit dissipée de lui l'ambiguïté qui lui a voilé la vue et qui l'a empêché d'accepter la vérité. Donc en résumé, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit qu'on répond à cette ambiguïté en disant « Penses-tu que ceux qui adoraient les statues avaient pour conviction que ces statues avaient la capacité de créer ? S'il dit oui, alors on va lui démontrer que non, avec les différents versets qu'on a vus dans les cours précédents. Mais s'il reconnaît que il n'avait pas cette croyance, mais qu'il vouait des adorations pour ses statues, qu'il faisait des sacrifices pour ses statues, et ainsi de suite. Alors on lui dira, et quelle est la différence entre ce que vous faites auprès des tombes et des mausolées ? Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, nous donne une deuxième réponse à cette ambiguïté, il dit, وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا, et on lui dit aussi, à titre de deuxième réponse, قَوْلُكَ الشِّرْكُ عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ, ta parole, soutenant que le polythéisme et l'adoration des statues. هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ Entends-tu par cela que le polythéisme se limite seulement à l'adoration des statues? C'est-à-dire que celui qui adore une statue, c'est un mushrik, c'est un polythéiste, et celui qui adore un arbre, une pierre, une tombe, un vertueux, un djinn, un ange, ce n'est pas un mushrik. Est-ce que c'est cela que tu veux dire? Et ensuite, il développe le shaykh. Il dit وأن الاعتماد على الصالحين ودعاؤهم لا يدخل في ذلك. Et entends-tu que s'en remettre aux vertueux, ou alors aux prophètes, aux anges, aux saints, aux wali, ainsi de suite, s'en remettre aux vertueux et les invoquer ne fait pas partie de cela? Penses-tu que cela ne fait pas partie du shirk? فَهَذَا يَرُدُّهُ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ كُفْرِ مَنْ تَعَلَّقَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ أَوْ عِيسَى أَوْ الصَّالِحِينَ. Et cela est réfuté par ce qui est venu dans le Coran, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre concernant la mécréance de ceux qui s'attachent aux anges ou à Isa alayhi salam ou aux vertueux. Tout cela est démontré clairement dans le Coran comme on l'a vu dans la réponse à certaines ambiguïtés précédentes et notamment dans la réponse à la deuxième ambiguïté. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit: فَلَا بُدَّ أَنْ يُقِرَّ لَكَ أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ أَحَدًا مِنَ الصَّالِحِينَ فَهَذَا هُوَ الشِّرْكُ الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ. Il dit: il sera inévitable qu'il admette que celui qui donne des associés à Allah dans l'adoration, quel que soit cet associé, parmi les vertueux, alors ceci relève du shirk, du polythéisme, qui est mentionné dans le Coran, et c'est cela qui est attendu. C'est cela qui est attendu et c'est cela l'objectif lors de ce débat et de cet échange avec cet adepte du polythéisme. C'est de lui faire comprendre qu'il n'y a pas de différence entre celui qui adore une statue ou celui qui adore un prophète ou un vertueux ou un saint ou un wali ou une tombe ou un mausolée ou un arbre ou une pierre ou quoi que ce soit parmi les créatures qui peuvent être adorées en dehors d'Allah. Quel que soit l'être, quelle que soit la créature qui est adorée en dehors d'Allah, ceci relève du polythéisme. Et celui qui adore autre qu'Allah, qui qu'il soit ou quoi que ce soit, c'est un mushrik. Il s'est rendu coupable du polythéisme majeur qui est le plus grave des péchés. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala de nous dire: وَسِرُّ الْمَسْأَلَةِ. Et le résumé de ces questions, c'est-à-dire de ce qu'il vient de mentionner, أنه إذا قال لك أنا لا أشرك بالله فقل له ما الشرك بالله فسره لي. S'il te dit je ne fais pas de shirk, tu lui dis qu'est-ce que le shirk? Qu'est-ce que l'association à Allah? Explique-moi ce que c'est. Car bien souvent ils ne savent même pas ce qu'est le shirk. Donc il faut leur apprendre qu'est-ce que le shirk afin qu'ils comprennent que ce qu'ils font est du shirk. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسره لي. Et s'il te dit que le shirk est l'adoration des statues, dis-lui alors quel est le sens de l'adoration des statues. Que signifie adorer les statues? Explique-moi cela. Afin qu'il comprenne que ce qu'il fait auprès des tombes et des mausolées est semblable à ce que les polythéistes faisaient auprès de leurs statues. فَإِنْ قَالْ أَنَا لَا أَعْبُدْ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ. Et s'il te dit moi je n'adore qu'Allah, dis-lui alors وَمَا مَعْنَا عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ فَسِّرْهَا لِي. Dis-lui alors quel est le sens de l'adoration d'Allah seul. Explique-moi, qu'est-ce que l'adoration? فَإِنْ فَسَّرَهَا بِمَا بَيَّنَهُ الْقُرْآنِ فَهُوَ الْمَطْلُوبِ. S'il t'explique l'adoration telle qu'elle est venue clairement dans le Coran, alors c'est cela qui est attendu. وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَكَيْفَ يَدَّعِي شَيْئًا وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ. Et s'il ne sait pas ce qu'est l'adoration d'Allah seul, alors comment peut-il prétendre une chose qu'il ne connaît pas? Celui qui ne sait pas ce qu'est l'adoration, comment pourrait-il prétendre n'adorer qu'Allah? Comment pourrait-il prétendre n'adorer qu'Allah alors qu'il ne sait même pas ce qu'est l'adoration? Il se peut qu'il adore autre qu'Allah sans le savoir, étant donné qu'il ne sait pas qu'est-ce qui est compris par ce mot qui est l'adoration. وَإِنْ فَسَّرَ ذَلِكَ بِغَيْرِ مَعْنَى بَيَّنْتَ لَهُ الْآيَاتِ الْوَاضِحَاتِ فِي مَعْنَى الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ. Et s'il t'explique cela d'un sens autre que son sens réel, alors tu vas lui exposer les versets clairs et évidents concernant le sens du shirk, de l'association à Allah et de l'adoration des idoles. أَنَّهُ الَّذِي يَفْعَلُونَهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ بِعَيْنِهِ. Tu vas lui démontrer que cela est exactement ce qu'ils font à notre époque, c'est-à-dire auprès des tombes et des mausolées. Donc en résumé, tu vas t'adresser à lui en lui faisant comprendre qu'il ne connaît pas la réalité de ces choses. Tu le mets au défi. Tu l'arrêtes et tu lui dis « Qu'est-ce que le shirk? Qu'est-ce que l'adoration des statues? Qu'est-ce que l'adoration d'Allah ?» S'il ne sait pas, tu lui dis alors « Tu ne connais pas la vérité et le faux. Tu as besoin d'apprendre avant toute chose. » En effet, s'il ne sait pas, la première chose à faire est de lui enseigner, de lui faire connaître la vérité. Et telle est la situation de beaucoup de gens aujourd'hui qui s'affilient à l'islam, mais adorent autre qu'Allah parmi les saints, les walis, les tombes et les mausolées. Ils font cela sans savoir que ceci est de l'adoration. Ils font cela sans savoir que ceci relève du shirk, du polythéisme. Ils font cela sans savoir que ceci est semblable à ce que faisaient les premiers polythéistes auprès de leur statue. Ensuite, s'il sait et qu'il t'explique ces choses, qu'il t'explique ce qu'est le shirk, l'adoration et ainsi de suite, tel que cela est expliqué dans le Coran, alors il aura clairement lui-même réfuté les agissements de ce que lui et ses semblables commettent comme polythéisme. Et s'il te donne une fausse interprétation, alors tu réfutes cette fausse interprétation et tu lui expliques la réalité de ces choses telles qu'elles sont expliquées dans le Coran. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَأَنَّ عِبَادَةَ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ هِيَ الَّتِي يُنْكِرُونَ عَلَيْنَا » Et tu lui expliques également que l'adoration d'Allah seul sans associé, c'est cela qu'il nous reproche, c'est-à-dire c'est cela qu'il reproche aux gens du tawhid. C'est cela qu'il reproche aux gens de la sunna lorsqu'il les appelle à la vérité. وَيَصِيحُونَ فِيهِ كَمَصَاحَ إِخْوَانُهُمْ Et ils s'exclament lorsqu'on les appelle au tawhid, ils se mettent à crier de la même manière que l'ont fait leurs frères, c'est-à-dire parmi les premiers polythéistes qui ont réprouvé, blâmé le tawhid lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à cela. قَالُوا أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ A-t-il fait de nos divinités un dieu unique? Ceci est vraiment une chose surprenante. Telle est la situation de beaucoup de ces gens aujourd'hui qui s'affilient à l'islam et adorent autre qu'Allah. Si on les blâme et on leur dit d'arrêter d'adorer telle tombe, tel wali ou tel saint et ainsi de suite, ils vont s'exclamer, ils vont se mettre en colère et ils vont dire « Veux-tu que je délaisse ce saint? Veux-tu que je délaisse ce vertueux qui me rapproche d'Allah ?» et ainsi de suite. Car ils ne comprennent pas la gravité de leurs actes « Wal'iyadu billah ». Donc beaucoup de personnes qui s'affilient à la religion de l'islam ne sont en réalité pas sur l'islam tel qu'il a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais nombre de personnes n'ont de l'islam que le nom. Ils ne savent pas qu'est-ce que le shirk, qu'est-ce que le tawhid, comment vouer un culte exclusif à Allah, comment s'éloigner du shirk. Et s'ils savaient cela, alors ils ne l'auraient pas commis. Et c'est pour cela qu'ils sont semblables aux premiers polythéistes. Wallahu al-musta'an. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit même plus qu'ils sont dans une situation encore plus grave que les premiers polythéistes et il va nous expliquer et nous prouver cela à travers deux choses. Il dit فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا الْإِعْتِقَادِ Si tu as connaissance que ce que les polythéistes à notre époque appellent الْإِعْتِقَاد, la croyance, le fait de croire en un saint, de croire en un wali, de croire en une tombe ou un mausolée. Ils peuvent l'appeler aussi at-tawassul. Afin de tromper les gens, ils vont appeler cela at-tawassul, le fait de prendre des intermédiaires. Donc il dit, si tu sais que cela, ce qui est appelé par les mushrikoun, par les polythéistes, i'tiqad, tawassul ou autre chose semblable, huwa shirku alladhi nazala fihi al-Qur'an. C'est le shirk au sujet duquel le Coran est descendu. C'est-à-dire le polythéisme majeur. Celui sur lequel était les polythéistes arabes de Quraysh. Ensuite, il dit « وَقَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ عَلَيْهِ » Le messager d'Allah صَلَى عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ a combattu les gens pour cela. « فَعْلَمْ أَنَّ الشِّرْكَ الْأَوَّلِينَ أَخَفُّ مِنْ شِرْكِ أَهْلِ زَمَانِنَا بِأَمْرَيْنَ » Alors sache que le polythéisme des anciens polythéistes était moindre que le shirk des gens de notre époque par deux choses. C'est-à-dire que le shirk commis par les gens de notre époque est plus grave, en raison de deux choses que l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous mentionner. Ahaduhuma, la première, أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء. La première est que les anciens polythéistes ne donnaient des associés et n'invoquaient les anges, les walis, les idoles avec Allah, que lors des moments d'aisance. Wa amma fi shidda, fa yukhlisuna lillahi ad-du'a. Mais lorsqu'ils se retrouvaient en difficulté, alors ils n'invoquaient qu'Allah. Ils n'invoquaient nul autre qu'Allah. Ils lui vouaient un culte exclusif par l'invocation. Telle était leur situation. Pourquoi? Car ils savaient pertinemment que leur divinité, ces statues qu'ils adoraient, ces pierres, ces arbres et ainsi de suite, ne pouvaient rien pour eux lors des difficultés. Et que seul Allah subhanahu wa ta'ala pouvait les sauver, car c'est lui, mudabbirul amr, c'est lui qui administre tout, toutes les affaires dans cet univers. Donc lorsqu'ils étaient en difficulté, ils oubliaient leur fausse divinité et ils invoquaient Allah. كما قال تعالى كما الله dit وإذا مسكم الضر في البحر et quand le mal vous touche en mer ضل من تدعون إلا إياه ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent فلما نجاكم إلى البر أعرضتم puis quand il vous sauve quand Allah vous sauve et vous ramène à terre vous vous détournez c'est-à-dire vous vous détournez du culte exclusif et vous retombez dans le polythéisme وكان الإنسان كفورا l'homme est vraiment très ingrat il n'est pas reconnaissant envers Allah il sait que lorsqu'il est en difficulté il invoque Allah Allah le sauve de cette difficulté mais une fois sauvé une fois dans l'aisance il retombe dans le polythéisme والعياذ بالله et de la même manière nombre de personnes parmi les gens de l'islam malheureusement qui lorsqu'ils sont en difficulté ils ont le cœur attaché à Allah Ils vont invoquer beaucoup Allah, ils vont être plus assidus dans leurs prières, plus assidus dans leurs adorations. Puis une fois sauvés de la difficulté, ils se relâchent et retombent dans le laxisme et la négligence. Ensuite le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous mentionne d'autres versets nous démontrant cela. Il dit, وَقَالَ تَعَالَى Et Allah a dit, قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةَ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Dis, informez-moi, si le châtiment d'Allah vous vient, quel que soit ce châtiment, un tremblement de terre, une tornade, des inondations, ou autre parmi les châtiments qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire descendre. Si le châtiment d'Allah vous vient, ou que vous vient l'heure du jugement, al-qiyama, est-ce autre qu'Allah que vous invoqueriez, si vous êtes véridique? Qui d'autre qu'Allah vont-ils invoquer dans cette situation? Ils n'invoquaient qu'Allah. Lorsqu'ils étaient dans la difficulté, ils n'invoquaient qu'Allah. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Bal iyyahu tad'un » C'est plutôt lui seul que vous invoqueriez. « Fayakshifu ma tad'una ilayhi insha'a wa tansawna ma tushrikun » Il dissipera alors, s'il le veut, l'objet de votre invocation et vous oublierez ce que vous lui associez. Et telle était la situation des premiers polythéistes. Lors des difficultés, ils oubliaient leur fausse divinité, ils n'invoquaient qu'Allah. وَقَالَ تَعَالَى Et Allah dit aussi, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ Et lorsque l'homme est touché par un mal, il invoque son Seigneur, revenant repentant à lui. Et il dit aussi, سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَالِ Et quand une vague les recouvre comme des ombres, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en mer, دعوا الله مخلصين له الدين. Ils invoquent Allah en lui vouant un culte exclusif. Donc tous ces versets et leurs semblables, car il y en a d'autres dans le Coran, nous démontrent que lors des moments d'aisance, les premiers polythéistes invoquaient Allah et invoquaient aussi leur divinité. Mais lors des difficultés, ils vouent un culte sincère à Allah et n'invoquaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. Mais à notre époque, ceux qui adorent autre qu'Allah parmi les adorateurs de tombes et de mausolées, quelle que soit leur situation, ils s'en remettent à autre qu'Allah. Et il se peut même que lors des difficultés, ils oublient totalement Allah et ne s'en remettent qu'à leur fausse divinité qu'ils adorent en dehors d'Allah, wal'iyadu billah. Tu vas les entendre s'écrier « Ya al-Hussein »,« Ya Ali »,« Ya Abd al-Qadir »,« Ya Aïdarous » et autres parmi ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on voit donc que leur situation est encore plus grave que celle des premiers polythéistes. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit « فَمَنْ فَهِمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَلَّتِي وَضَّحَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَهِيَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَدْعُونَ اللَّهَ تَعَالَى وَيَدْعُونَ غَيْرَهُ فِي الرَّخَى وَأَمَّا فِي الضُّرِّ وَالشِّدَّةِ فَلَا يَدْعُونَ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَنْسَوْنَ سَادَاتِهِمْ تَبَيَّنَ لَهُ الْفَرْقُ بَيْنَ شِرْكِ أَهْلِ زَمَانِنَا وَشِرْكِ الْأَوَّلِينَ Il dit « Celui qui a compris cette question, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans son livre, qui est que les polythéistes qu'a combattu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils invoquaient Allah et ils invoquaient autre que lui lors des moments d'aisance. Quant aux moments de difficulté et de nuisance, alors ils n'invoquaient qu'Allah seul sans associé et ils oubliaient leur maître, ils oubliaient leur sidi. Et celui qui a compris cela, alors il aura compris la différence entre le shirk, entre le polythéisme des gens de notre époque et le polythéisme commis par ceux des premières générations. Et il comprendra alors que le shirk des gens de notre époque est encore plus grave. Ensuite, il dit, rahimahullah, « Walakin, aina man yafhamu qalbuhu hadihi al-mas'ala, fahman jayyidan rasikha, wallahu al-musta'an. » Il dit, « Mais où sont ceux dont le cœur comprend cette question d'une bonne compréhension et d'une compréhension qui s'ancre dans leur cœur ? Et c'est d'Allah que l'on implore l'aide. » En effet, peu sont ceux à comprendre cela. Nombreux sont ceux à dire, « Oui, mais eux, ils disent « La ilaha illallah ». Oui, mais eux, ils prient. Oui, mais eux, ils jeûnent, ils font ceci, ils font le pèlerinage, et ainsi de suite. Comment pouvez-vous dire qu'ils sont pires que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu ? La réponse est ce que vous venez d'entendre. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Lors des difficultés, ils ne s'en remettaient qu'à Allah. Leur raison était donc moins altérée que celle de ceux qui aujourd'hui vouent toutes sortes d'adorations aux tombes et aux mausolées, wal'ayadu billah. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous dit, al-amru thani. La deuxième chose, c'est-à-dire la deuxième chose nous démontrant que les premiers polythéistes commettaient du shirk de manière moindre que ceux de notre époque. أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله. C'est que les premiers polythéistes, ils adoraient avec Allah, ou plutôt ils invoquaient avec Allah, des gens qui étaient proches d'Allah. إما أنبياء, إما أولياء, إما ملائكة. Ils invoquaient soit des prophètes, soit des saints, soit des anges, ou يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله وليست عاصية. Ou alors ils invoquaient des êtres inanimés comme des pierres, des arbres, qui sont des créatures obéissantes à Allah et qui ne lui désobéissent pas. En effet, tout ce qui est sur terre proclame la pureté d'Allah et ses louanges. Donc les créatures inanimées, ce sont des créatures saines, qui ne désobéissent pas à Allah. Il nous dit « Wa ahlu zamanina » et les gens de notre époque, parmi les polythéistes, « Yad'ouna ma Allah unasan min afsaqin nas » Ils invoquent avec Allah des gens qui font partie des gens les plus pervers. « Walladina yad'ounahum humulladina yahkuna anhum al-fujur » Et ceux qu'ils invoquent, ce sont eux-mêmes qui vont leur raconter ce qu'ils ont fait comme perversité. Min az-zina wa as-sariqa wa tark as-salah wa ghayri dhalik. À l'exemple de la fornication, du vol, du délaissement de la prière et autres choses semblables. Et telle est la situation de nombre de personnes parmi les confréries soufis aujourd'hui, qui vont adorer des gens, avoir de l'exagération à leur sujet alors que ce sont parmi les gens les plus pervers. Ils vont adorer des gens qui ne font pas la prière et qui leur disent qu'ils ne prient pas. Certains vont jouer avec leur raison défaillante et leur manque de discernement et leur dire « Je ne prie pas avec vous, je prie à Mecca. » Je me souviens avoir écouté une anecdote rapportée d'une discussion entre Cheikh Ibn Baz rahimahullah et le Cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah. Le deuxième rapportait au premier que lorsqu'il était en Afrique, il y avait une personne qui, lorsque venait le moment de la prière, une personne considérée comme sainte, il la recouvrait d'un tissu, et cette personne se mettait à bouger et à trembler. Il posait ce tissu. Ensuite, eux, ils partaient prier, et lorsqu'ils revenaient, ils prenaient ce tissu, ils le relevaient, la personne se mettait à bouger, et elle leur disait que elle était partie prier à la Mecque. Et le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, se mit à rire en écoutant ce récit. Et il leur dit, mais qu'avez-vous? Ne savez-vous pas que la prière à la Mecque n'est pas à la même heure qu'en Afrique? Voyez, parfois les savants, ils vont répondre avec une réponse très simple, qui montre l'absurdité de ce en quoi ont conviction ces personnes qui ont détruit leur raison et se sont rabaissées à ces actes vils en adorant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Une chose absurde comme celle-ci, ils vont y croire. Et de la même manière, on trouve dans les livres des soufis de nombreuses histoires au sujet de personnes considérées comme vertueuses qui vont rapporter que elle ne priait pas, elle ne jeûnait pas, elle ne se nourrissait que du vol, elle pratiquait la fornication, et ainsi de suite. Et ce sont ces personnes-là qu'ils vont adorer en dehors d'Allah. Ils vont les invoquer, ils vont construire des dômes sur leur tombe lorsqu'ils meurent, et ainsi de suite. Wallah al-musta'an. Donc le shaykh, rahimahullah ta'ala, il nous dit « وَالَّذِي يَعْتَقِدُ فِي الصَّالِحِ أَوْ الَّذِي لَا يَعْصِي مِثْلِ الْخَشَبْ وَالْحَجَرْ أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. Il dit celui qui a une croyance au sujet d'une personne qui est vraiment vertueuse ou au sujet d'un être inanimé qui ne fait pas de péché comme du bois ou des pierres. Ceci est moindre que celui qui a des convictions au sujet d'une personne au sujet de laquelle il témoigne de sa perversité et de sa corruption. Dans les deux cas, c'est du shirk. Il faut bien comprendre cela. Que si la personne adore un homme vertueux ou un homme pervers, elle aura commis du shirk. Qu'elle adore une pierre ou qu'elle adore un arbre, elle aura commis du shirk. Il n'y a pas de différence concernant le statut du péché. Mais le shaykh, rahimahullah ta'ala, ce qu'il veut nous démontrer, c'est qu'eux, ils se sont encore plus plongés dans le shirk, qu'ils sont descendus à des abîmes encore plus profondes et que leur situation est encore plus grave que celle des premiers polythéistes. Wallah al-musta'an. Ensuite, le shaykh, rahimahullah, a mentionné la neuvième ambiguïté que nous lirons lors du prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.